Book 2 63 طرح الأسئلة 2 Poser des questions 2 Poser des questions 2 أنا عندي هواية J'ai un hobby. J'ai un hobby. أنا ألعب تنس. Je joue au tennis. Je joue au tennis. أين يوجد ملعب تنس؟ Où est le terrain de tennis? Où est le terrain de tennis? هل عندك هواية؟ As-tu un hobby préféré? As-tu un hobby préféré? أنا ألعب كرة القدم. Je joue au foot. Je joue au foot. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Où est le terrain de foot? Où est le terrain de foot? ذراعي تؤلمني. Mon bras me fait mal. Mon bras me fait mal. قدمي ويدي تؤلمان أيضا. Mon pied et ma main me font également mal. Mon pied et ma main me font également mal. أين يوجد طبيب؟ Y a-t-il un médecin? Y a-t-il un médecin? عندي سيارة. J'ai une voiture. J'ai une voiture. عندي أيضا motorcycle. J'ai aussi une moto. J'ai aussi une moto. أين يوجد موقف سيارات؟ Où est le parking? Où est le parking? عندي pullover. J'ai un pull. J'ai un pull. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. J'ai aussi une veste et un jean. J'ai aussi une veste et un jean. أين الغسالة؟ Où est la machine à laver? Où est la machine à laver? معي صحن. J'ai une assiette. J'ai une assiette. معي سكين, شوكة, وملعقة. J'ai un couteau, une fourchette et une cuillère. J'ai un couteau, une fourchette et une cuillère. أين الملح والفلفل؟ Où sont le sel et le poivre? Où sont le sel et le poivre?